Per me l'ultimo anello, un mio rano, un mio viaggio con la mia bandera. Con la mia bandera. Ti vedo la mia bandera in un vecchio camposanto, in un vasto di amore, in la rima di un mio canto. Si per me l'eterna braccia sa. Pas notre voyage avec Jennifer et Voce Vantu. Jennifer qui sera à Tours aussi le 5 décembre. Elle sera au Vinci, il y aura même des places à gagner. Et ce sera forcément sur France Bleu Touraine. Quelle belle musique, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Ça me permet de vous offrir tous les jours des invitations pour aller au pâté de Tournord, pour aller voir le film de votre choix. Et à partir d'aujourd'hui, bien, c'est la comédie, hein, qu'il faut aller voir. C'est le nouveau film d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache. Une année difficile avec en tête d'affiche Pio Marmaille, entre autres, et Jonathan Cohen. C'est l'histoire d'Albert et de Bruno. Ils sont surendettés, en bout de course. Ils vont croiser de jeunes militants écolos et puis nos gars, qui sont plutôt attirés par la bière et les chips gratuites, hein, que leurs arguments vont quand même finir par intégrer le mouvement sans réel conviction, c'est vrai. Et pour la suite, bien, je vous laisse aller voir ce film qui va vous faire passer un vrai bon moment. C'est un triomphe. C'est vrai qu'Éric Toledano et Olivier Nakache, on les voit un petit peu partout. On les entend aujourd'hui sur toutes les radios, dans toutes les télés. Il y a des pages entières dans les quotidiens, dans les hebdos également. C'est vrai que c'est un film qu'il faut aller voir. Et puis, c'est en voyant sur les réseaux sociaux des vidéos de militants qui bloquaient l'ouverture des magasins pour le Black Friday que les réalisateurs ont eu l'idée de faire ce film. Et c'est surtout après avoir tourné deux saisons de la série en thérapie, hein, que les réalisateurs ressentaient un besoin de comédie. Alors c'est parfois un petit peu une satire, hein, sur la société de consommation dans laquelle nous vivons. C'est un film qui aborde aussi le surendettement. C'est un sujet qui a été peu abordé au cinéma. C'est ce que disait d'ailleurs hier sur France Bleu Éric Toledano, qui était l'invité d'Émilie Mazoyer. C'est une vraie spirale, le surendettement. C'est quand, voilà, on a une capacité de remboursement qui est inférieure à ce qu'on gagne, voilà. Et qu'on commence à être un peu sous l'eau, à descendre en dessous de la ligne de flottaison. Ça concerne des dizaines de milliers de personnes chaque année en France. Et effectivement, c'est un contexte social, comme souvent dans les films qu'on propose. Voilà, une année difficile à partir d'aujourd'hui au pâté de Tournord. Et dans ce film, on a des séquences qui sont pleines d'humour. Il y a du burlesque, il y a de l'humanité, il y a de l'empathie. Tout s'enchaîne à un rythme vraiment assez incroyable. C'est vraiment un beau film. C'est un film choral, comme on dit, hein, sur l'engagement, la solidarité. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce film, vraiment, que je vous invite à aller voir. Je vous pose une question, bah oui, parce que j'ai deux invitations à vous offrir pour aller au cinéma, pour aller voir le film de votre choix au 02 47 38 10 20. Tenez, je vous fais entendre ça. Vous voyez venir la question à Éric Toledano, Olivier Nakache, qui nous ont fait vibrer avec un super film. On avait entendu cette musique, d'ailleurs, dans ce film avec Omar Sy et François Cluzet. Bon, j'en dis pas plus, je vais finir par vous donner le titre du film. On entendait cette musique dans une séquence comme celle-ci. Quel était le titre du film qui était sorti en 2011, réalisé par Éric Toledano, Olivier Nakache? C'était Intouchable ou Implacable? C'est à vous de jouer. 02 47 38 10 20, je vous offre vos invitations pour aller au cinéma, pour aller voir le film de votre choix au pâté de Tournord. Chasseur d'ivoire, vous vous souvenez de cette chanson? Quelle chanson incroyable! En 1981, signée Alain Chamfort. Oui, Chamfort aussi. Chanson qui avait été écrite par Serge Gainsbourg. Le jeu de mots était facile, je vous l'accorde, mais nous sommes mercredi. M'évader d'ici et voir d'autres pays. d'ici vers d'autres paradis. Chasser mes troubles, chasser mes peines. Chasseur, chasseur d'ivoire, juste histoire d'ivoire. À la place des filles féroces, d'éléphants et de rhinocéros. D'ici et voir d'autres pays, m'enfuir loin d'ici vers d'autres paradis, marchand de rêves. Chasser mes troubles, chasser mes peines. Chasseur, chasseur d'ivoire, juste histoire d'ivoire. À la place des filles féroces, l'éléphant et le rhinocéros. Fort en 1980. On l'écoute avec toujours autant de plaisir hein, sur France Bleu Touraine. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous nous appelez de Limeray. Tout à fait. Vous avez une folle envie d'aller au cinéma. Alors moi oui, mais je pense que je vais laisser la place pour mes filles. Ah, pour aller voir quoi, les trolls? Non, je pense qu'elles sont plus âgées, donc je sais pas. D'accord, bon bah écoutez, Marie-Line et son juge Bernadette, il y a plein de jolis films. On parlait d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano. Quel réalisateur incroyable tout de même. Et dans un film. Ah, ils ont fait plein de jolis films, nous sommes assez d'accord. Comme ce film qui était sorti en 2011 avec Omar Sy, François Cluzet, on entendait cette musique d'Earth, Wind & Fire dans ce film. C'était intouchable ou implacable ? Intouchable. Intouchable, bien évidemment. Vous avez vu au cinéma ou à la télé ? À la télé. Vous avez laissé couler à votre la petite larme à un moment donné ou pas ? Oui, quand oui, même. Bah oui, c'est plein d'émotions, mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'était bien. Allez au cinéma, en tout cas, allez voir les films sur grand écran, vous allez voir, vous allez passer un vrai bon moment, mais vous êtes convaincue, Christelle, j'en suis sûr, même si les places sont pour vos filles et que vous allez faire plaisir. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Merci, vous aussi. Et à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Et pour le reste... Regardez La Monnaie, par exemple. Chanson dans laquelle elle avait envie d'exprimer ses désirs, Clara Luciani. Où elle nous dit tout, soyez très attentifs aux paroles. C'est le reste. Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos. Je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano. Une mélodie expire dans un écho. J'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. C'est Clara Luciani sur France Bleu Touraine. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie ? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Touraine, ici, on parle d'ici. Le temps de cette fin de journée, c'est couvert encore. Vous l'avez remarqué, quelques petites pluies sont encore possibles par endroits. Les températures, 19 à 21 degrés. Le ciel sera tout aussi couvert cette nuit. Ça va limiter la baisse des températures. Elles seront comprises entre 13 et 14 degrés. Puis demain, ce sera tout aussi nuageux. Avec des averses le matin, elles seront plus soutenues l'après-midi. C'est ce que nous annonce la Météo France. Les températures 11 à 12 degrés pour demain matin. Et 19 à 21 degrés pour demain après-midi. Le 16-17 avec Alain Joly sur France Bleu Touraine. Avec de belles histoires à vous raconter, l'histoire d'une chanson, c'est Nicolas Lespaul, il vient nous la raconter tous les jours. On va s'intéresser à une chanson emblématique d'ici quelques petites minutes, une chanson de Céline Dion. Tous les soirs, c'est Émilie Mazoyer aussi qui nous donne rendez-vous pour Décibel, pour nous parler de l'actualité musicale du moment. Et puis des Tourangeaux dont nous sommes fiers, c'est dans Fiers de mon 37, avec deux Tourangeaux au sommet de leur art. Je vous en dis pas plus, ce sera avec Yann Meraki juste avant les infos de 17h. Et pour la musique, Just Can't Get Enough. C'est vrai qu'on n'en a jamais assez. C'est Dépêche Mode et c'est sur France Bleu Touraine.

Si même encore, c'est Céline Dion dans Collector aujourd'hui. Collector que vous retrouvez ce soir entre 23h et 1h du matin. On fait un point sur vos conditions de circulation. PC Fil Bleu, nous sommes avec Sindra. On va s'intéresser tout de suite à ce qui se passe sur le réseau Fil Bleu pour le bus et le tram. Bonjour Sindra. Bonjour Alain. Est-ce que vous m'aimez encore, vous aussi? Oui, bien sûr, j'adore moi aussi, bien évidemment. Comment ça se passe pour le bus et le tram en temps réel? Écoutez, ça se passe plutôt pas mal pour le moment sur l'ensemble du réseau, que ce soit le bus ou le tram. Pas de nouvelles déviations à prévoir pour aujourd'hui. En revanche, je vous informe qu'à l'occasion du salon Tour Auto et Mobile, la ligne 83 desservira les départs donc de Gare de Tours direction le Parc Expo du 20 au 23 octobre. Bien évidemment, vous pouvez consulter les horaires sur notre site ou application Fil Bleu dans la rubrique Actualité. Eh bien écoutez, tout est dit, on se retrouve dans une heure pour faire un nouveau point. Dans le centre-ville de Tours, comment ça se passe les amis? On a un petit peu de monde aussi, boulevard Béranger, boulevard Hortelou, vous en avez l'habitude. On a des travaux en plus en ce moment au niveau du boulevard Béranger. C'est vrai que c'est le bazar en direction de la place Jean Jaurès, on circule sur une seule et unique voie. On a un petit peu de monde au niveau du pont Mirabeau aussi à Tours, où la circulation est ralentie. Partout ailleurs, tout va bien. Et puis l'infotrafic, vous le savez, c'est grâce à vous chaque jour, au 02 47 38 10 20. Grâce à elle, vous allez pouvoir vous détendre. Oh, grâce à elle, vous allez pouvoir enquiquiner vos proches. Grâce à elle, vous allez penser à France Bleu Touraine jour et nuit. Mais grâce à qui? Grâce aux deux balles anti-stress, bien sûr. C'est le concept du jeu de la matinée, le jeu à deux balles sur France Bleu Touraine entre 11h et midi, du lundi au dimanche. Deux questions sur la Touraine. Quatre questions en lien avec un thème que vous choisissez. Votre objectif, faire le plus de points pour remporter de beaux cadeaux. Et quoi qu'il arrive, vous repartez avec vos deux balles. Venez vous amuser avec nous sur France Bleu Touraine dans le jeu à deux balles. Dimanche 22 octobre, c'est la fête des fleurs d'automne au château du Rivaux. Venez flâner dans les jardins et admirer les magnifiques floraisons de l'arrière-saison et les fabuleuses collections de citrouilles. Participez en famille aux ateliers créatifs et rencontrez de nombreux exposants. Dimanche 22 octobre, au château du Rivaux entre Chinon et Richelieu. Info sur châteaudurivaux.com. Retrouvez le salon Tour Auto et Mobile du 20 au 23 octobre au Parc Expo de Tours. Pendant 4 jours, retrouvez le meilleur de l'automobile et toutes les mobilités avec de nombreuses marques et exposants. Découvrez un large choix de véhicules neufs et d'occasion, le salon des camping-cars et caravanes et de nombreuses solutions pour se déplacer autrement. Info et billetterie sur salonauto-tour.fr. Pensez à covoiturer. France Bleu. Si on s'offrait quelques vacances, ça pourrait être sympa. Oui, au bord de la mer, avec Michel Jonas, à regarder les bateaux. Hein ? On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux, suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant, et on regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt, sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. Et quand les vagues étaient tranquilles, on passait la journée aux îles. Sauf quand on pouvait déjà plus, alors on regardait les bateaux,

Le groupe Texas, c'est Summer Sun et c'est sur France Bleu Touraine. France Bleu Touraine. Les Tourangeaux sont à l'honneur, c'est tous les jours dans Fier de Mont 37, c'est avec vous Yann Meraki. Aujourd'hui, vous vouliez féliciter deux Tourangeaux au sommet de leur art. Oui, Kevin Caricot de Chambourg-sur-Indre et Julien Charret de Saché ont décroché la médaille d'or des championnats du monde de pêche à la carpe il y a quelques semaines à peine. Alors Kevin et Julien, ils se sont rencontrés en 2007 lors d'un enduro de pêche au lac des Bretonnières à jouer les tours. Leur amitié et leur talent ont rapidement fait des étincelles et d'ailleurs, les médailles ont commencé à pleuvoir en 2018 avec un titre de vice-champion de France. Trois ans plus tard, ils décrochent une médaille de bronze aux championnats du monde en Hongrie et enfin l'or cette année. Ils ont consacré les 6 derniers mois à préparer cette compétition. Depuis mi-avril, ils se sont dédiés à leur entraînement. Ils ont étudié le lac, perfectionné la tactique et réalisé tous leurs entraînements sur place, directement dans la Nièvre. Leur objectif était clair, décrocher le titre de champion du monde, un rêve qui semblait hors de portée il y a quelques années. Alors un rêve atteint, mais comment s'est déroulée cette compétition ? Eh bien la compétition a eu lieu fin septembre au lac de Panessière, dans la Nièvre donc. Kevin et Julien ont sorti de l'eau plus de 600 kilos de carpe, soit 134 poissons. Leur succès était basé sur le poids total de leur prise, une performance exceptionnelle donc, compte tenu des défis posés par un concours de 72 heures, pendant lequel le binôme s'est relayé pour surveiller les 4 cannes à pêche, dormant seulement 3 heures par nuit en alternance. Si cette victoire est la consécration de 15 ans de travail en équipe, elle n'est pas sans sacrifice pour autant. Coordonner vie familiale, vie professionnelle, avec la passion de la pêche, peut être extrêmement exigeant. Cependant, Kevin et Julien sont bien décidés à défendre leur titre en 2024, même si depuis leur retour, ils ont quand même décidé de lever le pied pour retrouver le plaisir de la pêche tout simplement. Nos deux champions nous donnent donc rendez-vous à nous et leurs concurrents en 2024, dans l'espoir de clôturer un magnifique chapitre de leur histoire de pêcheurs, une histoire faite de persévérance, de passion et de succès. Bravo les champions. Mais effectivement, bravo et à demain Yann pour d'autres Tourangeaux qu'on mettra à l'honneur sur France Bleu Touraine. Et puis Fier de Mont 37, c'est tous les jours en podcast sur francebleu.fr. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux ? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. Vous en avez rêvé. Maintenant, c'est le moment. Avec Dubois Menuiserie et Brisebois Menuiserie, il est temps de lancer tous vos projets. Pour vous les particuliers, nous vous proposons des menuiseries intérieures et extérieures en bois, alu, PVC, mais aussi l'agencement et la décoration. Idéal pour vos projets d'escalier, parquet, store ou encore véranda. Et du 16 au 27 octobre, profitez des offres d'automne. 100€ offerts tous les 1000 euros d'achat. Offre valable dans nos agences Dubois Menuiserie à Sorigny et Brisebois Menuiserie à Perrusson à côté du Leclerc. Voir conditions sur place. France Bleu, connecté à votre région. Ici, c'est France Bleu Touraine. Une très belle fin de journée avec France Bleu Touraine, il est 17h. Les infos avec vous, Adrien Bossard. Bonjour Adrien. Bonjour Alain, bonjour à tous. Une plainte déposée ce matin par la Croix-Rouge et la mairie de Langeais après le cambriolage lundi de l'épicerie sociale de l'association dans la commune. Pas de vol de nourriture mais d'argent et des clés du fourgon qui permettent de récupérer les denrées à la banque alimentaire pour en faire bénéficier 300 personnes aux revenus modestes. Ce qui oblige l'association à louer un petit camion le temps de refaire le trousseau. Il y en a pour plus d'un millier d'euros de préjudice tout cumulé. Une délinquance qui touche dans notre département plus particulièrement Tours, évidemment. 10 des 14 comités de quartier font actuellement circuler des pétitions pour demander à la mairie d'agir. La municipalité qui répond aujourd'hui que les atteintes aux biens sont pourtant en baisse de 22% depuis le début de l'année. Mais elle va malgré tout installer des caméras de vidéoprotection à Beaujardin, théâtre d'un braquage dans un bar début septembre. 10 policiers supplémentaires arriveront également à Tours d'ici fin décembre pour constituer une brigade de sécurité dans les transports en commun. Le bilan revu à la hausse concernant le nombre de perturbations et contestations lors de l'hommage lundi aux professeurs victimes de terrorisme. Le ministère de l'Éducation nationale parle de 379 signalements après la minute de silence dans les collèges et lycées, dont 2 en Indre-et-Loire, indique la préfecture, sans donner plus de détails. Là aussi, les chiffres augmentent de jour en jour. Il y a 24 Français morts depuis l'attaque menée par le Hamas contre Israël il y a 10 jours. 7 autres sont toujours portés disparus et probablement retenus en otage dans la bande de Gaza, où près de 200 personnes sont décédées la nuit dernière suite à un tir de roquette visant un hôpital. Le groupe terroriste et l'État hébreu se rejettent mutuellement la responsabilité. Depuis le début de cette guerre au Proche-Orient d'ailleurs, une sorte de psychose s'installe en France avec des alertes à la bombe qui se multiplient. 10 aéroports régionaux évacués aujourd'hui après des menaces d'attentats, obligeant à retarder ou à dérouter des vols. Toulouse et Bordeaux sont toujours fermés ce soir. Alors qu'au château de Versailles, évacué pour la 3e fois en 5 jours, les portes sont de nouveau rouvertes à 17h. Et puis le tirage au sort de la Coupe de France de football ce soir. Les 4 derniers représentants d'Indre-et-Loire attendent de connaître leur adversaire pour le 6e tour. Avoine Chinon en National 2, le Tour FC et Montlouis en N3 et Saint-Cyr en Régional 2 sont encore engagés. Du côté du ciel, c'est nuageux. Absolument, c'est couvert jusqu'à ce soir avec encore quelques petites pluies possibles par endroits. C'est ce que nous annonce Météo France. Les températures 19 à 21 degrés. On aura un ciel tout aussi couvert cette nuit avec des températures de 13 à 14 degrés. Puis demain, on aura sensiblement le même type de temps. Très nuageux, des averses le matin, elles seront plus fréquentes. L'après-midi est parfois forte. Les températures 11 à 12 degrés demain matin. Et pour demain après-midi, pas de changement entre 19 et 21 degrés. Et nous, Adrien, on se retrouve dans une heure. À tout à l'heure. Avec Alain Joly et ses invités, je ne serais pas étonné qu'on ferme jusqu'à 19h sur France Bleu Touraine. Avec 3 invités, donc 4 invités remarquables aujourd'hui autour de cette table. On va passer du bon temps. On a plein d'histoires à vous raconter. On a des personnalités incroyables à vous présenter, de bonnes adresses également. Et puis deux magnifiques invités qu'on appellera tout à l'heure, Florent Père et André Manoukian, qui font l'actualité en Touraine. Ils seront prochainement ici, chez nous, en Touraine, pour présenter leur dernier spectacle. Autour de la table, Hélène Rimbaud, Christian Gabriel et Freddy. Et Philippe Chaput, bonjour à tous les trois, tous les quatre. Freddy va bien. Cool. En pleine forme. Prochainement à Fondette ou pas? Oui. Au Festival de la magie et des arts du cirque. Il y a le Festival de la magie et des arts du cirque. Freddy ne sera pas sur scène. Mais il sera présent, parce que bien sûr, il y a les copains qui sont sur scène, on va aller les voir. Oui, forcément, on va aller les encourager, les applaudir. Et puis, j'ai cru vous apercevoir l'ami Freddy dans le magazine de la Touraine. Oui, c'est notre actualité. Oui. Ben voilà, ici en région, voilà, vous avez dans le magazine de la Touraine un 4 pages avec Freddy, voilà, qui s'appelle Voyage au pays de la ventriloquie. Et ce titre, il est tellement beau, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est la demoiselle qui a fait l'article, que je vais sûrement prendre ce titre pour mon prochain spectacle. Je pense que ça peut être Voyage en ventriloquie. Il y aura des droits ou pas, ou c'est gratuit? Je ne sais pas s'il y aura des droits, mais on va tout tout faire de travers de façon. J'imagine bien avec Freddy. Je suis sûr que c'est bien parti comme ça, n'est-ce pas, oui, Freddy? Je suis ravi de te retrouver. Oui. Ça me fait super plaisir. Toujours aussi mignon. Oh, il y a une arrête. Mais je sais, je suis encore craqué. Oui. Hélène Rimbaud. Oui, je craque pour Freddy. Notre couteau suisse. Oui, je suis avec là. Nous. Je suis ravi de vous retrouver. Les bien belles boucles d'oreilles. Oui, oreilles. Alors je remercie Angélica. Ah oui. Ah oui. Je connais pas. Ah, vous connaissez pas. Non, je connais pas cette dame. Il faut absolument que vous la connaissiez. Ah oui, il faut la découvrir. Ah, je suis sûre qu'il y aurait quelque chose qui se passerait entre mais vous deux. Freddy va encore être jaloux. Philippe Chaput est avec nous, notre commentateur sportif. Salut. Il est sur tous les fronts. Quels sont les prochains événements? J'arrête pas. J'étais à la Ville aux Dames dimanche. Non. L'une des rares courses du département. Qu'est-ce qu'il a, lui? Freddy, il va m'écouter. Ça. Le prochain événement, c'est quoi? Le marathon de Rennes ce week-end, le marathon vert, qui annonce un petit peu plus de 11 000 participants. Ah, quand même. Je crois qu'on va parler du marathon, mais de Tours. Oui. Ce sera tout à l'heure, aux alentours de 18h40. Si vous avez des choses à nous révéler. Oui. La musique Tina Turner, GoldenEye, bande originale du film. James Bond, bien sûr, 17e James Bond. Et qui jouait dans le 17e James Bond? James Bond. Freddy, au secours. Ouais, Freddy. Ce serait Daniel Craig? Non. Pierce Brosnan. Perdu. Bien perdu. Ben, de toute façon, on n'avait rien à gagner. Alors, donc, Kergi. Voilà, qu'est-ce que vous avez dit? Question. See reflections on the water. More than darkness in the depths. See him surface and never a shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye, no time for sweetness. But a bitter kiss will bring him to his knees. Shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears. Girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. C'est Tina Turner et c'est sur France Bleu Touraine. Un petit point sur vos conditions de circulation, tout va bien les amis, sur les routes de Touraine, on a une moyenne de 2 à 3 minutes de ralentissement dans le centre-ville de Tours, les quais de Loire, l'Alvée du Cher, partout ailleurs, tout circule de façon tout à fait normale. Et puis si vous êtes témoin d'une quelconque difficulté, vous le savez, l'infotrafic, c'est grâce à vous, c'est au 02 47 38 10 20. Ce jeudi, France Bleu Touraine vous fait découvrir les coulisses de la laiterie Verneuil. Depuis 114 ans, la coopérative collecte le lait des fermes environnantes et le transforme chaque jour dans sa laiterie de Verneuil-sur-Indre. Fromage, briques de lait de chèvre, yaourt, France Bleu Touraine installe ses studios dans la laiterie et vous fait découvrir ce jeudi, de 6h à 9h, les secrets du succès des produits Verneuil. Je ne serais pas étonné qu'on ferme jusqu'à 19h sur France Bleu Touraine. Et avec mes invités pour animer cette émission, notre couteau suisse, ça y est, ça, c'est votre nouveau surnom ici à France Bleu Touraine. Hélène Rimbaud est avec nous. Philippe Chapu, Christian Gabriel et Freddy, ils sont là également. Vous allez nous donner trois indices, parce que je sais que vous avez bien bossé tous ici autour. Il y a un super cadeau, on l'a reçu tout à l'heure, l'un des danseurs du spectacle, Stomp. Ça fait 30 ans que ce spectacle existe. Ce sont des musiciens qui font, il le dit lui-même d'ailleurs, Adrien Racot, qui est l'un des francophones de la troupe. Ils sont 8 musiciens sur scène, c'est de la danse, des percussions, c'est du bruit, il le dit lui-même, mais c'est tellement bien chorégraphié. Ça fait 30 ans que ce spectacle existe, mais il faut absolument aller le voir. C'est ce soir et demain, et je vous offre deux invitations pour aller voir ces fous dansants sur scène, parce que c'est un spectacle vraiment incroyable. 02 47 38 10 20, on recherche un lieu, c'est à Tours, je vous en dis pas plus, mais vous allez nous mettre sur la voie, j'en suis sûr. Hélène, on vous écoute. Alors, l'histoire de cette place commence en 1837 par la démolition de maisons de la rue du Grand Marché et de la rôtisserie pour agrandir la place, qui se nomme alors Place des Fruits. D'accord, elles sont toujours très bavardes, les filles, autour de la table. Voilà. Ça commence bien, hein. Ben voilà, c'est votre premier indice. Déjà, on sait que c'est une place. A priori. C'est à Tours. Est-ce que vous avez un indice, tous les deux, là-bas, Christian Gabriel, non, Freddy? Oui, allez-y. Allez-y, Freddy. Alors, quand on arrive à Tours, oui. À Tours. Oui, à Tours. Oui. Parce que c'est l'indice qui continue. Ben oui, c'est ça. Quand on arrive à Tours, oui. Elle fait partie des passages incontournables. Fastoche. Non. Bah si, non. Absolument. Si. Non, dis rien. Ne dis rien, ne donne pas la... Non. On n'a pas le droit. Est-ce que je dois donner mon indice? Bah allez-y. Allez. J'y vais. Bah allez-y, Philippe. Le site Lonely Planet avait classé cette place comme la plus belle pour prendre l'apéro, c'était en 2014. Mais quelle est donc cette place? Non, c'est pas dur. Moi, j'ai un truc en musique aussi qui va vous aider. Mon truc en plume, plus d'oiseaux, de animaux. C'est quand même super dur. J'hésite. La place du Grand Marché, peut-être. J'hésite. On n'est pas loin. 02 47 38 10 20. Quelle est cette place incroyable? J'ai des invitations pour Stomp. Oh, c'est place de l'autruche. C'est place de l'autruche. Oui, c'est la place de l'autruche. 02 47 38 10 20. C'est pas du cinéma. Et pourtant, qu'est-ce que c'était bien grise. Comme la chemise d'ailleurs de Christian Gabriel. Oui. C'est Summer Nights. Summer loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to another summer. Tell me more, what does he have a car? told her we'd still be friends. Then we made our true love vow. Wonder what she is doing now. Et John Travolta et Olivia Newton-John. C'est cette chanson qui a fait connaître d'ailleurs ce couple mythique du cinéma. Je serais pas étonné qu'on ferme avec Alain Joly jusqu'à 19h. Et avec mes invités, notre couteau suisse est là, Hélène Rimbaud, avec Philippe Chaput, commentateur sportif, et puis Christian Gabriel et Freddy. Ouais. Bien évidemment, ouais. Ils sont là aujourd'hui. Avec Evelyne aussi qui nous appelle de Tours. Bonjour Evelyne. Bonjour. Bonjour à tous. C'était dur aujourd'hui, hein. C'était terrible avec les indices qu'on vous a donnés. C'était extrêmement difficile. Ouais, je sais. Le premier vous a mis sur la voie immédiatement, j'en suis sûr. Oui. Oui, c'est ça. Sur quelle place nous sommes, dites-moi. Place Plumeau. Ma place Plumeau, meilleure place pour aller prendre la Plumeau. Bravo. L'histoire qui commence en 1837, mon truc en plume pour la chanson. Et puis elle fait partie des passages incontournables lorsque vous arrivez à Tours pour la première fois. Quelle est d'ailleurs la visite que vous avez faite lorsque vous êtes arrivée à Tours pour la première fois, Evelyne? Est-ce que vous vous en souvenez? Eh ben, écoutez, moi j'ai commencé par arriver en Boise. D'accord. Donc c'était plutôt le Clos du Lucé. D'accord. Et quand vous êtes arrivé à Tours, vous êtes allé pour la première fois? Ah ben, je suis allée... Place Plumeau. Oui, aussi, et puis sur les bords de Loire, du côté de la Guinguette, comme ça. Mais Place Plumeau, oui, bien sûr, pour boire un verre ou juste balader pour flâner, quoi. Absolument. Je vous offre deux invitations pour un spectacle incroyable, le spectacle Stomp. Vous connaissez ce spectacle? Vous connaissez pas? Justement, pas du tout. Oui. Ben, vous allez voir, vous allez découvrir. Ils n'y font pas de salsa parce que je sais que vous aimez beaucoup la salsa. J'aime beaucoup la musique. Oui. Vous dansez la salsa vous-même, d'ailleurs? Oui, j'aime beaucoup la danse en général. Vous dansez... Et Joly aussi, il adore. Vous dansez oui, où parce vous... que... Il adore. Non, stop, on s'arrête. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. J'adore. Hein. Vous dansez où, Evelyne, habituellement? Je suis allée à la Guinguette, par exemple, cet été. Tous les étés, par semaine, il y avait la salsa bachata. Ouais. Et puis sinon, avec des amis ou dans des soirées de journée, mais il faut aller un peu plus loin parce que sur Tours, il n'y a pas forcément. Bah écoutez, c'est génial en tout cas de profiter de tout ça, du parquet pour s'éclater. Je vous offre deux invitations, comme je le disais, pour aller voir le spectacle Stomp. C'est phénoménal. Vous allez voir, vous allez passer un... J'ai vu des vidéos, oui. Ah oui, vous avez vu, c'est fou. Hein. Ils arrivent à faire des choses incroyables avec des bidons, des casseroles, avec des balais, des ballons de basket. C'est dingue sur scène. Vous allez passer un vrai bon moment. Merci beaucoup. À bientôt, Evelyne. Oui, belle soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Un petit point sur vos conditions de circulation. Sur les routes de Touraine, tout va bien. Boulevard Béranger, c'est chargé déjà avec 5 minutes de ralentissement, avec des travaux en direction de la plage Jean Jaurès. On a du monde également. Boulevard Tonnelet à Tours, aux abords du Jardin Botanique et du CHRU Bretonneau. On a un petit quart d'heure de ralentissement dans ce secteur, à éviter si vous le pouvez encore à cette heure-ci. Un petit peu de monde dans le secteur de Saint-Pierre-des-Corps, avenue Jacques-Duclos, avec 10 minutes de ralentissement. À Chambrel-et-Tours aussi, la circulation est ralentie, avenue du Grand Sud, avec seulement 3 petites minutes de ralentissement, rien de méchant. Comme d'habitude, 3 minutes, c'est terrible. C'est rien du tout. 02 47 38 10 20, c'est le numéro que vous pouvez composer à tout moment. C'est Marie-Ange qui décroche jusqu'à 19h. Parti cœur au bois dormant, le sourire entre les dents, mon silence radio, souvenir fluo. Reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants. Seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en rond sans toi. J'oublie mon monde sans toi. Et je ferme les yeux autant que possible pour te revoir. Au

groupe Alphaville, Forever Young. C'est vrai que nous sommes toujours très jeunes ici, autour de cette table, avec Christian Gabriel et Freddy, avec notre couteau suisse, Hélène Rameau et Philippe Chaput. On se retrouve dans quelques secondes. Et là, clang, schlag, t'as les gladiateurs qui attaquent les Gaulois. Wow. Mais eux, eh ben, ils se laissent pas faire. Schlang, paf, bling, c'était fou, je te jure, papa. Ah ouais, dis donc, c'est impressionnant. Et après, il y a aussi une course de chars, avec un char qui explose. Boum. T'en fais pas un peu trop, là? Non. D'accord. On va vous prendre pour un fou. Pendant les vacances, le Puy du Fou crée l'événement avec la Frérie de la Toussaint, son grand festival de l'automne. Profitez de vos billets à moins 20% sur puydufou.com. Puy du Fou, offre soumise à condition. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur MAF.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là? Tada! Waouh, sympa la déco, mais on est où? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Touraine, ici, on parle d'ici. Je ne serais pas étonné qu'on ferme jusqu'à 19h sur France Bleu Touraine. Et avec mes invités pour animer cette émission, Hélène Rameau, Philippe Chaput, Christian Gabriel et Freddy, oui. Vous nous avez donné, il y a une petite vingtaine de minutes, trois indices. On a parlé de cette plus belle place pour aller prendre à l'apéro. Elle avait été élue par le site Lonely Planet comme la plus belle place pour aller prendre à l'apéro. On a parlé de l'histoire de cette place qui commence en 1837. C'est une place par laquelle on va passer quand on arrive à Tours. C'est la place Plumereau par laquelle on va passer aussi pour participer aux visites d'époque Tours animées par Noémie qui est avec nous. Bonjour Noémie. Bonjour, merci à tous de m'accueillir. Ben c'est avec grand plaisir. Ah, oui. Le concept d'abord d'époque Tours, c'est théâtraliser les visites guidées, c'est un petit peu ça. Hein. Oui, c'est en fait avoir des visites insolites, théâtralisées, mises en scène, jeux de pistes, c'est des visites un peu originales. Donc on est plusieurs guides comme ça partout en France et moi je suis à Tours. Donc dans ces visites, quels sont les sites que vous allez nous faire découvrir? Parce que ça dure combien de temps une visite avec vous? À peu près une heure et demie. Oui. Donc en général, je pars de pas très loin de la place Plume et je la traverse. On va jusqu'à la basilique Saint-Martin, on la dépasse et puis après on revient de l'autre côté pour traverser tout le vieux Tours. Philippe? Alors moi j'ai une question. Comment sont recrutés les guides? Eh ben c'est la personne qui a fondé Époque Tours qui nous contacte, qui nous trouve. Et moi, elle m'a trouvée par mes réseaux sociaux professionnels, parce qu'en plus d'être guide indépendante, m'en compte dans tout le Val-de-Loire, je fais aussi partie d'une troupe médiévale qui s'appelle les Lames Amboisiennes. Donc je fais aussi de la reconstitution et du combat médiéval. Et à partir de là, elle m'a contactée pour me dire « Hey, j'ai un projet !» Ouais, moi, j'ai dit oui. J'y vais. Ce sont des visites costumées, mais vous êtes toute seule ou vous êtes avec vos petits camarades aussi? Alors moi, pour le coup, cette grande scène à ciel ouvert. Pour le coup, je suis toute seule avec les camarades de la troupe. C'est un autre sujet, mais là, pour le coup, je suis toute seule avec le public et je les emmène dans mes histoires, dans mon univers. C'est un peu imaginaire comme visite parce qu'il y a beaucoup de choses du Moyen Âge qui n'existent plus. Effectivement, la place Plume, tout ça, ça a été redessiné à la fois par la Seconde Guerre mondiale, par le 19e siècle. Haussmann, etc. Donc, faut faire un peu l'effort de l'imagination avec moi. Christian ou Freddy? Eh ben, oui, Christian. Oui, j'étais en train de penser, ce serait original que. Non, mais parce que je pense aussi. Donc, c'est bien. Comme disait ma femme de ménage, je pense, donc j'y suis. Voilà, d'accord, t'as compris. Non, j'étais en train de dire que c'est en nocturne avec des projections sur les murs pour imaginer comment aurait pu être le Moyen-Âge, ça serait intéressant, mais bon, c'est un gros budget. Ouais, techniquement, ça demande de se trimballer effectivement avec des projecteurs à tous les coins. C'est pas hyper médiéval, quoi. Voilà. Non, mais projections sur les murs, voilà, bah, c'est ça. Mais ouais, ça peut être intéressant. Après, bah, ça demande un budget et surtout des autorisations. Bien sûr. Et ça, c'est important aussi. Dites-moi, c'était une façon de dépoussiérer un petit peu les visites guidées, le fait qu'elles soient costumées, le fait que vous emmeniez comme ça un petit groupe à l'aventure au travers les rues de la ville de Tours. Ouais, moi déjà le costume. Ah bah c'est un beau costume, c'est un très beau costume. C'est mon costume, en fait c'est une tenue de combat fin 12e, début 13e siècle. Donc pour les gens qui imaginent un peu la tapisserie de Bayeux, c'est à peu près 100 ans plus tard. Donc ça D'accord. ressemble beaucoup, on a des espèces de tuniques matelassées, on porte un casque avec un nasal, on peut avoir une grande lance, on peut avoir une épée. Vu qu'on est dans un contexte vigipirate, j'évite de me balader avec une épée. Pour éviter les éventuels problèmes avec l'actuel maréchaussée, bien que normalement il n'y en ait pas, l'épée n'est pas affûtée. Mais du coup, j'ai une autre arme qui est au bout d'un bâton, qui est une espèce de lance avec un crochet. Et du coup, il y a moins de risques, c'est en l'air. Enfin, c'est pas... Donc n'ayez pas peur si vous voyez Noémie se balader dans les rues de Tours avec un petit groupe d'amis. C'est pour des visites guidées, c'est très sérieux. Et on s'amuse bien. Hélène. Oui, mais alors moi j'ai besoin d'infos pratiques parce que là, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Ben oui, complètement. Donc combien de groupes, combien par groupe, petit, grand. Je la barre cette question. Alors c'est maximum 25 personnes pour justement avoir un peu une proximité avec le public. Là, on a lancé ça avec la personne qui est responsable d'Époque Tour. On a lancé ça pour les Journées du Patrimoine. Mm-hmm. Donc mes deux visites de samedi et dimanche étaient complètes. J'ai fait 50 personnes en un week-end. Et vraiment, on a de tout. On a des familles, on a des personnes qui sont toutes seules, on a des personnes en situation de handicap. La visite, elle est accessible pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça, c'est important de le signaler. Dans le vieux Tour, on peut accéder à l'histoire et à la culture. Et du coup, bah, comme ça, pendant une heure et demie, j'ai mon petit groupe, on pose des questions, et puis chaque visite est différente en fonction du public que j'ai. Ça sera jamais la même visite, parce que, en fonction du groupe, je vais pas avoir la même énergie, je vais pas avoir envie de dire la même chose au même moment, je m'adapte. Écoutez, c'est génial. Ça Donc, coûte, tous les ça week-ends. Ça coûte 15 euros, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, par adulte. Par adulte. On s'inscrit où? Le week-end? Alors, il y a plusieurs dates. Il faut aller directement sur le site epoquetour.fr. Donc, c'est là qu'on trouve tous les autres guides un peu partout en France. Moi, j'en fais partie. Et on peut réserver directement sur les pages. Alors, on peut choisir à la fois la journée et du coup le créneau. Mais c'est aussi possible, éventuellement, pour les instituteurs ou pour les groupes spécifiques, de proposer des visites pour les scolaires. Donc là, par contre, c'est sur une réservation particulière. Et c'est aussi possible de faire la visite en anglais, mais là aussi, du coup, sur réservation particulière. Bien évidemment. Époque Tour, c'est avec un K à la fin. Et Tour sans Z. Epoquetour.fr. Merci Noémie d'être passée par chez nous et puis à bientôt dans les rues de Tours alors. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Je cherchais et j'ai pas trouvé. C'est Amir et c'est sur France Bleu Touraine. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Chercher, c'est Amir et c'est sur France Bleu Touraine. Un petit point sur vos conditions de circulation, comme chaque jour, à cette même heure, bien le trafic est assez dense dans le centre-ville, les quais de Loire, la levée du Cher, c'est là où se concentre hein, tous les soirs. C'est même bouchon, on a 5 minutes de ralentissement en moyenne dans le centre-ville de Tours, les quais de Loire et la levée du Cher. Rien de bien méchant, un petit peu de monde en direction de la Ville aux Dames sur la D140, avec cette fois-ci 10 minutes de ralentissement. Et puis, comme chaque jour, l'infotrafic, c'est aussi grâce à vous au 02 47 38 10-20. Pour le bus et le tram, Sindra, en temps réel, au PC Fil Bleu, comment ça se passe ? Bah écoutez Alain, pour le moment, ça se passe plutôt pas mal, que ce soit sur le réseau bus ou tramway. Pas de nouvelles déviations à prévoir pour aujourd'hui. Toutefois, à l'occasion du salon Tour Auto et Mobile, la ligne 83 desservira les départs de Gare de Tours jusqu'à Parc Expo du 20 au 23 octobre. Pour plus d'informations, bien évidemment, je vous propose de consulter notre site ou application dans la rubrique Actualité. Tout simplement, à très bientôt sur France Bleu Touraine. À bientôt. Au revoir. Je serais pas étonné qu'on ferme avec Alain Joly jusqu'à 19h. Avec une émission de dingue tous les soirs avec notre couteau suisse, elle est avec nous, c'est Hélène Rimbaud, notre commentateur sportif, il est là, Philippe Chaput, et puis stars. Christian Gabriel et Freddy. Hélène Rimbaud. Hélène Rimbaud, non pas Rimbaud. J'ai eu peur qu'on fasse une autre blague. J'ai eu très très peur, moi aussi. Vous savez que France Bleu Touraine s'engage pour la culture. La culture avec un grand C, j'ai envie de vous le dire, parce qu'il fait partie des humoristes qu'il faut aller voir sur scène, c'est Florent Père. Il sera vendredi soir à l'Espace Ligeria, à Montlouis-sur-Loire, avec son spectacle Nature. Et c'est magique, il est avec nous au téléphone. Bonjour Florent. Oui, bonjour les amis, je voulais vous dire, je suis dans le tram là. Dans le tram ? Oui. Bah, venez donc nous voir. Ça va super, j'ai qu'un monsieur, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez, je vous vois, j'ai un monsieur derrière moi qui essaye de se frotter parce que physiquement je dois lui plaire. Mais non. Je pense qu'il y a des chances. Ça roule très bien en tout cas. Mais voilà. Ça roule bon, tout va bien. Sur scène, une vraie performance puisque ce spectacle, et dans ce spectacle, vous allez interpréter, je vais y arriver, tous les personnages d'une comédie musicale. C'est assez dingue, c'est un pari ce spectacle. C'est surtout le spectacle de mes rêves, j'en rêvais depuis très longtemps et on l'a fait avec mes co-auteurs et mon metteur en scène et toutes les équipes avec lesquelles je travaille. Je rêvais d'avoir, en fait j'ai mis tout ce que j'aime dans ce spectacle, je rêvais d'avoir un spectacle où je pouvais jouer tous les personnages tout seul, comme si je jouais une pièce tout seul, ça j'en avais envie depuis très longtemps. J'adore la comédie musicale et j'adore chanter donc je voulais m'offrir le plaisir de chanter aussi tous les soirs. Donc chaque soir là on en est presque à 280 représentations et je ne suis toujours pas lassé de jouer ce spectacle. Mais ça c'est génial, il y a à la fois des sketchs, des chansons, de la danse, il y a un petit peu de tout ça et je le disais, c'est une vraie performance sur scène. Voilà, c'est ça, c'est on garde le rythme, ça pourrait ressembler, c'est écrit comme une pièce à plusieurs personnages, mais évidemment on garde le rythme et les grands classiques du one man et des sketchs, quoi. Donc il y a beaucoup de personnages très cartoonesques comme j'aime les interpréter. Ça va du régisseur du sud à la productrice Radine, en passant par l'ours polaire qui a chopé l'accent marseillais parce qu'il fait 25 degrés sur la banquise, le majordome mexicain de Donald Trump à la Maison Blanche, voilà. Bah, c'est un peu inspiré de l'actualité peut-être. Comment ? C'est un peu inspiré de l'actualité aussi, alors. Un petit peu aussi, oui. Alors comme il y a le, en fait, Le sujet de ce spectacle, c'est la vie de cette troupe de comédie musicale qui essaye de jouer ce spectacle pour la première fois. C'est une comédie, donc, et là, c'est une équipe de bras cassés. Donc, tout se passe pas comme on voudrait. Et on essaye de faire bonne figure sur scène. Donc, il y a de vrais moments de comédie musicale où je chante et je danse et je fais tous les personnages qui font ce numéro-là à ce moment-là. Et puis, en coulisses, on voit bien que le régisseur est sous l'eau, que la productrice essaye de tout faire pour que le spectacle n'ait pas lieu parce que ça coûte trop cher. Donc, il y a des vrais moments... on a mis tout ce que j'aime. Il y a aussi des grands moments visuels où je dis pas un mot et je vais vous faire la petite souris qui vient chercher une dent sous l'oreiller. Je fais même un extincteur. D'accord. Ah oui, du personnage quand même. Pour éteindre un incendie, mais il y a plus rien dans l'extincteur. Donc on le secoue, mais il n'arrive plus. Voilà. Mais Florent Père, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. C'est pas possible. Vous voulez dire dans ma vie ou dans la vie d'une troupe? Dans les deux. Allez, vous me tendez la... dans la vie d'une troupe, moi, ce qui m'a donné l'inspiration de ça, c'est qu'il y a 10 ans maintenant, mais j'ai joué Spamalot, qui est d'ailleurs actuellement au Théâtre de Paris. C'est une comédie musicale adaptée du Sacré Graal des Monty Python. Et j'ai eu la chance de la jouer une quarantaine de fois. Et donc, j'ai découvert la vie de troupe, quoi. Et la troupe de comédie musicale, il faut savoir que c'est généralement au moins 40 personnes, quoi. 20 sur scène, 20 dans les coulisses. Mais le Roi Lion, par exemple, c'est 200 personnes. C'est ça, ouais. Donc, il y a une effervescence. Alors, eux, le Roi Lion, vous doutez bien que c'est réglé au millimètre. Comme du papier à musique, voilà. Mais je pense qu'une troupe de comédie musicale, il y a toujours une effervescence. Même quand c'est réglé, ça. Vous pouvez pas imaginer ce qui se passe dans les coulisses pendant que vous regardez les gens chanter, danser, tout beau, ils chantent bien, ils jouent bien, et derrière, ça court dans tous les sens parce qu'il y a un décor à préparer, parce qu'il y en a un qui a fait un trou à son pantalon, l'autre qui a sa perruque qui est coincée dans sa fermeture éclair. Et c'était ça que je trouvais génial, c'est de se dire, il y a un bordel incroyable, en coulisses, et pourtant, sur scène, ça se passe pas mal. Et ça a été ça, ou même très bien. En l'occurrence, dans mon spectacle, pour le besoin du rire, ça se passe pas très bien sur scène. Mais c'est ça qui m'a donné l'inspiration au départ. Et puis après on a laissé aller notre imagination. Mais ce que j'aime aussi beaucoup dans ce spectacle, c'est que je fais tout ça sans accessoires, sans décor, sans costume, sans rien, et que c'est l'imaginaire du public qui fait le reste, quoi. C'est-à-dire que moi, je le stimule. Et le public fait le reste. Donc c'est une vraie soirée passée tous ensemble. Si le public a pas envie de s'amuser ou a pas envie de plonger dans mon voyage, c'est plus compliqué. Mais heureusement, ça n'arrive pas. Philippe. Bonsoir Florent. Une question, vous mettez à l'honneur dans votre spectacle les animaux dont quatre en voie de disparition. Est-ce qu'il y a un message de votre part que vous souhaitez passer sur la protection de certaines espèces? Alors c'est surtout oui en partie, et c'est surtout que le message en sous-texte, même pas en sous-texte d'ailleurs, c'est que la comédie musicale qui est censée être interprétée ce soir-là, c'est une comédie musicale écrite par Florent, donc bon, c'est moi, mais un peu modifié pour les besoins de l'histoire. Donc Florent a écrit une comédie musicale écolo avec laquelle il pense qu'il va sauver le monde. Donc lui, il est devenu écolo, et donc il fait ce spectacle, il dit à son équipe qu'il faut changer radicalement de mode de vie parce que sinon on va droit dans le mur. Et donc voilà, chaque chanson a un thème écolo. Donc qu'on tourne en dérision, mais il y a de vraies infos, et moi j'y crois fermement. Je fais tous les efforts que je peux depuis une dizaine d'années pour changer. Enfin, j'ai changé mon mode de vie. On a changé notre mode de vie avec ma femme et mon fils, et notre mode de consommation. Et voilà. Et donc je distille comme ça des informations, de vraies informations écolo avec lesquelles j'espère que les gens repartent dans le spectacle. Eh bien, le mieux, c'est de venir vous voir sur scène. C'est vendredi. C'est à l'espace Ligérien de Montlouis-sur-Loire. On se retrouve dans le tram. Et à bientôt, Florent. Oui, c'est mon arrêt qui arrive. Alors, je vous laisse. Ça tombe très bien. C'est bien foutu. Hein. À très, très bientôt. Merci beaucoup. J'appuie sur le bouton rouge. Bonne journée. Bonne journée. Salut. Au revoir. Les Wamchung. Dance All Days. C'est sur France Bleu Touraine. Juste avant de passer un coup de fil à André Manoukian. Il n'y a rien que du beau monde ce soir sur France Bleu Touraine. Qui sera dans quelques jours à La Riche avec un tout nouveau spectacle sur l'histoire de la musique. C'est surprenant, vous allez voir. Take her baby by the hand, make her do a handstand, and take your baby by the heel. Do the next thing that you feel. We were so in phase in a dance hall days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true, I said. Dance all days long. Take your baby by the hair and pull her close and there, there, there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We were so in phase in a dance hall days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true, I said. Dance all days, love. Dance all days. Baby by the wrist and in her mouth an amethyst, and in her rest you sapphire's blue, and you need her and she needs you, and you need her and she needs you, and you need her and she needs you, and you need her and she needs you. And you need her, and she needs you. We were so in phase in a dance hall days. We were cool and craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true. Oh, I said. C'est Wang Jung et c'est sur France Bleu Touraine. Retrouvez le salon Tour Auto et Mobile du 20 au 23 octobre au Parc Expo de Tours. Pendant 4 jours, retrouvez le meilleur de l'automobile et toutes les mobilités avec de nombreuses marques et exposants. Découvrez un large choix de véhicules neufs et d'occasion, le salon des camping-cars et caravanes et de nombreuses solutions pour se déplacer autrement. Infos et billetterie sur salonauto-tour.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Je serais pas étonné qu'on ferme sur France Bleu Touraine. On est avec mes camarades pour animer cette émission parce que tout seul je ne suis rien autour de cette table. Ils seront là. Ça, merci Hélène. Notre couteau suisse est avec nous. Christian Gabriel et Freddy, oui. Ils sont là également. Et Philippe Chaput, vous savez qu'il y a des spectacles qu'il faut absolument aller voir et c'est un spectacle remarquable. C'est celui d'André Manoukian qui sera dans quelques jours à La Riche pour nous parler de musique. Et André Manoukian est avec nous au téléphone. Non. Bonjour. Ben si, c'est la magie de la radio. Le vrai André. Ben le vrai André Manoukian. Bonjour André Manoukian. Bonjour les amis. Bonjour. Le 20 octobre à la Pléiade de la Riche avec un artiste au grand cœur, il est là. C'est un parcours sur les routes de la musique que vous allez nous proposer et nous expliquer dans ce spectacle. Vraiment, il y a une vraie alliance entre vous et le public. Hein. Pourquoi nous sommes si sensibles à telle ou telle autre musique? Pourquoi une musique nous rend dingue? Pourquoi elle nous fait pleurer? Pourquoi elle nous a marqué? Et vous allez nous expliquer pourquoi. Mais comment? Ah bah avec un piano et puis... En parlant, finalement, en révélant le pouvoir des notes de musique. Et tout d'abord, il y a quand même un mystère, c'est qu'il y a des millions, depuis que l'homme est homme, des millions de mélodies ont été composées avec seulement 7 notes, vous vous rendez compte? Mais oui, c'est fou. Et il y en a autant à venir. Alors, je démontre sur scène que si moi, on m'avait demandé de faire la gamme, J'aurais fait une gamme ton par ton, mais la gamme ton par ton, ben, on va nulle part avec. Et qu'en réalité, c'est parce qu'il y a deux petits accidents dans la gamme qu'on arrive à, qu'on va se servir de cette dynamique, si vous voulez. Et la plus belle des finitions, c'est l'enfant Mozart qui va la donner. Son père lui avait interdit de jouer du clavecin en son absence, car c'est un instrument qui était très fragile et très coûteux. Qu'est-ce qu'il entend, Léopold Mozart, le papa, quand il rentre chez lui un soir dans l'ascenseur? Il entend le petit Wolfgang qui joue du clavecin. Et il va pour lui donner une gifle en disant « Je t'avais interdit, c'était le temps, on avait le droit de donner des baffes à ses enfants. » Et le petit le regarde et lui dit « Je cherche les notes qui s'aiment. » Voilà. Ah, génial, qu'est-ce que c'est joli. Ouais. Il y a des notes qui sont attirées les unes par les autres, si vous voulez. Philippe. Il y a aussi des notes qui se détestent. C'est les voisins. Vous avez déjà été dans une réunion de copropriété, ben voilà. Ben voilà, non, j'y vais jamais. Non, j'y vais jamais, ça finit toujours très très mal. Philippe. Bonsoir André. Vous avez quasiment répondu à la question que je souhaitais vous poser. Moi, j'ai été jeter un petit coup d'œil sur certaines de vos vidéos sur votre spectacle. Moi, j'avoue que comment faites-vous pour procurer autant de plaisir et surtout provoquer des sensations très fortes avec vos accords, avec des notes? Quand je dis des sensations fortes, ça peut aller aux larmes, bien sûr, au rire, et également à l'angoisse. Moi, j'avoue que c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a beaucoup d'impro ou est-ce que tout est bien réfléchi en amont? Il y a de l'impro, naturellement, mais on va dire que le cadre est là. Pardon. Et ce cadre, en réalité, il m'a été un peu dicté par mon parcours. Moi, j'ai commencé le piano classique à l'âge de 6 ans. Et finalement, quand vous étudiez le piano classique, on vous apprend à lire les notes. Mais vous êtes un peu coincé du cul, si vous voulez improviser, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, à l'âge de 13 ans, quand j'ai voulu faire du jazz, j'étais là, mais comment ça marche? Je comprenais pas. J'allais au Hot Club de Lyon parce que je suis lyonnais. Et je voyais le pianiste qui jouait pendant des plombes. Il aurait fallu des bottins pour noter toutes les notes qu'il faisait. Et il avait juste un petit carnet de métro sur lequel était marqué C7, F. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces signes cabalistiques? Donc, de temps en temps, je prenais mon courage à deux mains. J'en dis, mais viens chez moi, s'il te plaît, tu veux pas me donner des cours, je sais pas improviser. Les gars, ils arrivaient, mais ils savaient pas expliquer, quoi. Jusqu'au jour où il y en a un qui m'a dit, bois du whisky. Je dis, bon, c'était 11h du matin. C'est un peu tôt. Je suis allé à Boston et là, voilà. Et là, tout, j'allais dire l'histoire de la, enfin, la méthode d'improvisation, elle tient sur une demi-feuille de papier. Du coup, là, je me suis dit, c'est quand même criminel de pas apprendre ça aux enfants, parce que c'est un truc de gosse. Qu'est-ce qu'ils font, les gosses? Ils ont envie, ils sont là, vous les voyez rentrer dans un magasin de piano samedi après-midi, ils tapent sur le clavier avec un doigt, ils savent pas. Ben, d'une certaine manière, ils cherchent. Mais si vous leur dites, une gamme, c'est un terrain de jeu. À l'intérieur de cette gamme, tu peux jouer n'importe quelle note et n'importe quel accord et ça sonnera, bah vous allez lui développer l'oreille. Et c'est comme ça qu'on apprenait l'histoire de la musique autrefois. Donc ça, c'est mon gros sujet autrefois, parce qu'au 19e, on a cessé d'apprendre l'improvisation et on a transformé les musiciens en lecteurs. Simplement, on leur a dit, maintenant, ça sert à rien. On vous apprenne à vous exprimer. Vous êtes là pour jouer la musique des génies. Et d'une certaine manière, c'est la taylorisation du monde industriel. Voilà. Il y a le compositeur qui est tout en haut de la pyramide, le zikos de base qui est en bas, c'est le croque-note. Et alors qu'à l'époque baroque, tout le monde savait improviser, quoi. C'est pour ça qu'il faut aller voir André Manoukian, il va vous raconter plein de belles histoires. C'est vendredi à la Pléiade de la Riche, Hélène. Non, bonsoir monsieur Manoukian. Bonsoir Hélène. Voilà, j'ai juste envie de vous dire que je trouve magnifique ce que la jeune fille qui chante Fever en claquant des doigts à contre-temps procure chez vous. Transpiration de la moustache, c'est ça dont vous parlez. C'est exactement ça. Merci Hélène de me rappeler ce moment qui peut être douloureux et aussi bien ridicule. C'est embarrassant. En tout cas, ça aussi c'est le mystère. Pourquoi les voix nous font un effet pareil? Enfin, moi, c'est la transpiration de la moustache. Quelqu'un d'autre, ça va être la chair de poule, les poils qui se hérissent. Ça aussi, c'est un mystère que j'ai tenté de sonder et j'ai un début de réponse dans mon spectacle. Allez le voir vendredi soir à la Pléiade de la Riche. Merci André Manoukian d'avoir été avec nous et à très bientôt sur France Bleu Touraine. Merci les amis, vous êtes une joyeuse compagnie. Merci beaucoup. De l'amour, salut. Allez encore de l'amour et en musique avec Christophe Maé, Amadou et Mariam. C'est sur France Bleu Touraine pour aller jusqu'à 18h. Ça fait rêver les

Tours est-elle devenue une ville à la sécurité grandissante? À en croire les comités de quartier, oui. 10 d'entre eux font actuellement signer des pétitions pour dénoncer braquages, vols et violences en hausse, obligeant la mairie à sortir du bois. Conférence de presse organisée avec la préfecture et la police aujourd'hui, sans nier les problèmes, ni le ressenti de certains habitants. Tous assurent pourtant que la situation s'améliore. Ils prennent notamment les chiffres de la délinquance en 2023 en accès libre sur le site du ministère de l'Intérieur. Ce sont les meilleurs depuis 5 ans dans la cité tourangelle, Boris Compin. Oui, elles indiquent par exemple une baisse de 22% des atteintes aux biens à Tours sur les 8 premiers mois de 2023. Les vols avec violence ont diminué de 40%, moins 25% pour les vols sans violence, moins 36% pour les vols à la roulotte, autrement dit les vols dans des véhicules. Les atteintes aux personnes, elles, continuent à augmenter, plus 5%, mais elles sont surtout gonflées par des violences intrafamiliales. Pour autant, le maire de Tours ne conteste pas le ressenti de certains habitants. Il annonce par exemple l'installation prochaine de caméras de vidéosurveillance quartier Beaujardin. Mais pour Emmanuel Denis et le préfet Patrice Latron, il y a peut-être davantage de problèmes de tranquillité publique que de sécurité publique. La tranquillité publique, c'est tout ce qui concerne les incivilités, le bruit, la saleté. Il était important de donner les chiffres de la délinquance, qui sont bons. Pour autant, si les gens ont peur, s'ils se plaignent de nuisances, eh bien on doit le prendre en compte. Tenir compte de ces plaintes, de ces pétitions, et continuer d'agir. Le préfet annonce donc qu'il va sanctionner une demi-douzaine d'établissements dans les jours qui viennent. Des supérettes qui vendent de l'alcool après 22h, ou des bars qui diffusent de la musique à plein volume, y compris la nuit, pourraient écoper de fermetures administratives. Et le préfet d'Indre-et-Loire annonce par ailleurs la création d'une brigade de sécurité dans les transports en commun de la métropole de Tours. 10 agents supplémentaires seront nommés avant fin décembre. L'insécurité et ses effets bien visibles ailleurs qu'à Tours également. Exemple à Langeais avec le cambriolage lundi dernier de l'épicerie sociale de la Croix-Rouge. Plus de 1000 euros de préjudice entre le vol d'argent liquide et des clés du fourgon qui oblige à refaire le trousseau et à louer d'ici là une camionnette pour aller chercher les denrées à la banque alimentaire. L'association et la mairie propriétaire des locaux sont allées porter plainte ce matin. La minute de silence en hommage aux professeurs victimes du terrorisme perturbé avant, pendant et après à 51 reprises dans les collèges et lycées de la région lundi. Chiffre annoncé par le rectorat aujourd'hui à l'échelle de tout le territoire, il y a 379 signalements. Et dans le même temps, les fausses alertes à la bombe ou menaces d'attentats se multiplient. Le château de Versailles à nouveau et 10 aéroports régionaux évacués aujourd'hui avec parfois des vols annulés ou déroutés. Les établissements scolaires ne sont pas non plus épargnés. À chaque fois, Aurélien Tirard, cela mobilise d'importantes forces de l'ordre. Comme dans ce lycée parisien cet après-midi, alerte générale, les policiers reçoivent un appel. Une élève vient de se faire agresser à la machette par un individu. Les équipes d'intervention de la BRI se déplacent immédiatement, sauf qu'il s'agit d'un canular, un de plus. Mais à chaque fois, les policiers doivent réagir dans l'instant, avec un protocole lourd. Au château de Versailles, évacué 3 fois depuis ce week-end, une 60aine de personnes interviennent à chaque fois. Des démineurs jusqu'à 5 chiens du raid ou de la gendarmerie spécialisés dans la recherche des explosifs. Et pendant ce temps, environ 10 000 personnes évacuent les lieux. 168 écoles sont concernées depuis la rentrée. Les médias aussi. Les équipes de France 3 à Reims ont évacué leurs bâtiments hier. Au musée du Louvre, les démineurs ont dû inspecter ce week-end 60 000 mètres carrés pendant tout un après-midi. Le laboratoire central de la police parisienne a été mobilisé. Et après, il s'agit de mettre la main sur les auteurs de fausses alertes. Un travail difficile commence alors pour les enquêteurs spécialisés dans le cyber. Pour rappel, faire une fausse alerte est puni de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Réponse du garde des Sceaux à l'instant, Éric Dupond-Moretti assure que ces petits plaisantins, ces petits guignols qui s'amusent avec ces fausses menaces seront retrouvés et seront punis. Un contexte anxiogène donc et une situation géopolitique très tendue depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Le bilan humain côté français s'alourdit. Sur place, 24 de nos ressortissants sont morts et 7 toujours portés disparus, probablement retenus otages à Gaza, ce territoire victime d'un tir de roquette la nuit dernière visant un hôpital avec au moins 200 civils décédés. L'État hébreu et le groupe terroriste s'accusent mutuellement. Elisabeth Borne dégaine à nouveau le 49-3. C'est la 13e fois depuis sa prise de fonction il y a un peu plus d'un an. Cette fois, elle engage la responsabilité de son gouvernement sur la partie recette du budget pour 2024. Au deuxième jour seulement de l'examen du texte, la France Insoumise et le Rassemblement National annoncent déposer des motions de censure. L'actualité est tellement plombante en ce moment que ça, on prend les prix à la pompe resteront plafonnés à 1,99€ pour toute l'année 2024 dans les stations-service de Total Energy. Actuellement, on est à environ 1,80€ le litre d'essence, par exemple, en Indre-et-Loire. Et puis qui, pour succéder à Jean-Gérard Pommier, à la tête du conseil départemental, maintenant qu'il est sénateur? L'élection, c'est en ce moment, et selon toute vraisemblance, ce sera Nadège Arnaud, choisie comme candidate par la majorité. Elle est jusqu'ici première vice-présidente. Du côté du ciel, Alain. Mais écoutez, ça reste gris, même si de temps en temps, on a l'impression d'avoir quelques timides éclaircies. Le temps sera couvert jusqu'à la tombée de la nuit. Les températures 19 à 21 degrés. On aura un ciel tout aussi couvert. Ça va limiter la baisse des températures. C'est l'une des bonnes nouvelles. Les températures 13 à 14 degrés. Et puis demain, ce sera nuageux avec des averses le matin. Elles seront plus soutenues l'après-midi. C'est ce que nous annonce Météo France. Les températures demain matin, 11 à 12 degrés. Et pour demain après-midi, les températures maximales seront comprises entre 19 et 21 degrés. Bonne soirée. Avec Alain Joly et ses invités, je ne serais pas étonné qu'on ferme jusqu'à 19h sur France Bleu Touraine. Et avec nos invités pour animer cette émission, comme tous les jours, ils sont trois autour de cette table, quatre exceptionnellement aujourd'hui, avec notre couteau suisse qui est avec nous. Ça va vous rester définitivement. C'est Hélène Rimbaud qui est avec nous, avec Philippe Chaput, notre commentateur sportif, et puis avec Christian Gabriel et Freddy. Vous retrouvez son portrait d'ailleurs dans le nouveau magazine de la Touraine qui est en vente dans tous les kiosques. Vous savez que dans cette émission, ce qu'on aime, c'est vous présenter des personnalités, des associations à qui on donne rarement la parole. Et curieusement, on va parler de sport avec vous, Philippe Chaput. C'est curieux quand même. C'est très curieux. Je trouve. Non, j'ai franchement le plaisir d'accueillir Philippe Lénier, directeur technique national, adjoint de l'athlétisme en France, on va dire, de la Fédération française d'athlétisme, qui est Tourangeau. Eh bien écoutez, c'est génial, il va tout nous dire. J'ai envie de tout savoir. Vous allez nous emmener d'ici quelques minutes dans une jolie boutique, Christian Gabriel et Freddy, qui se trouve au numéro 3, je crois, de la place Michelet à Tours. Voilà, et donc là c'est mesdames, mesdemoiselles, ben, ouvrez grand vos esgourdes, vous allez voir que... Vos esgourdes? Oui, ben, là il y a des belles choses. Je confirme. Voilà. D'accord. C'est vous avez craqué, vous aussi. Le couteau suisse connaît. Vous habillez là-bas aussi? J'ai défilé pour Belle Anne. D'accord. Ah oui, c'est vrai que vous faites de tout. Des défilés, du sport. Je suis fan du magasin et du sourire. Qu'on a systématiquement quand on rentre dans la boutique aussi. Mais écoutez, j'ai hâte de les recevoir. Ce sera juste après Renaud. Et Marche à l'ombre, c'est sur France Bleu. Je ne serais pas étonné qu'on ferme jusqu'à 19h sur France Bleu Touraine. Quand le babacool Cradock est sorti de son bus Volkswagen, qu'il avait garé comme une loque devant mon rad, j'ai dit à Bob qui était au flip, viens voir le mariole qui se ramène, vise la dégaine, quelle rigolade. Patchouli, Patogas, le guide du routard dans la poche, Hare Krishna à mort, cheveux ouénés, oreilles percées, tu vas voir qu'à tous les coups, il va nous taper 100 balles, pour se barrer à Katmandou au Népal, avant qu'il ait pu dire un mot, j'ai chopé le mec par le paletot. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde, arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Une petite bourgeoise bêcheuse, maquillée comme un carré d'as, a débarqué dans mon gastos un peu plus tard. J'ai dit à Bob qui était au flip, hors du la tronche à la pouviasse, vise la culasse et les nibards. Collant léopard, homologué chez SPA, Monoï et Chalimard, futal en sky comme Travolta, qu'est-ce qu'elle vient nous frimer la tête? Non mais S3 au palace, je peux pas saquer les starlettes ni les blondasses. Avant qu'elle ait bu son cognac, je l'ai chopé par le callback. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde, arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi du but et marche à l'ombre. Rocky Barjo, le genre qui s'est gouré de trottoir, est venu jouer les Marlon Brando dans mon saloon. J'ai dit à Bob qui avait fait tilt, arrête j'ai peur, c'est un blouson noir, je veux pas d'histoire avec ce clown. Derrière ses pauvres ébans, je vois pas ses yeux et ça m'énerve. Si ça se trouve, il me regarde, faut qu'il arrête, sinon je le crève. Non mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui vient user mon comptoir, la carte tournée chez les Grecs, se faire voir. Avant qu'il ait bu son Viandox, j'ai chopé contre le jukebox. Et je lui dis, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu putes, et marche à l'ombre. Je me suis fait un punk qui avait pas oublié d'être moche. Bien intellectuel en Loden, genre nouvelle ops. Quand Bob a massacré le flipper, on n'avait plus une thune en poche. J'ai réfléchi et je me suis dit, c'est vrai que je suis épais comme un sandwich SNCF. Et que demain je peux tomber sur un balèze qui me casse la tête. Si ce mec là me fait la peau et que je crève la gueule sous le comptoir. Si la mort me paye l'apéro d'un air vislard. Avant qu'elle m'emmène voir là-haut, s'il y a du monde dans les bistrots, tu dirais, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande. Casse-toi tu pues et marche à l'ombre. Casse-toi tu pues et marche à l'ombre. Casse-toi tu pues et marche à l'ombre. Marcel Lombard-Ferrodo, il sera ce soir d'ailleurs sur France 4 dans un reportage, dans un concert qui a été enregistré au Zénith de Lille. Enfin, on va surtout entendre le public. Je l'ai pas dit fort. Ce 19 novembre, à Tours, Jimo va se donner à 100%. Bonsoir. 100% stand-up, 100% van, 100% rythme. La province en France, d'une toute petite ville, je viens de Limoges. Et pour ceux qui ne savent pas, Limoges, c'est une toute petite ville où il est interdit de courir. Parce que si tu cours à Limoges, bah tu quittes la ville en fait, tu quittes la ville. Jimo, la nouvelle valeur sûre du seul en scène, débarque dans votre ville. Si t'es à Limoges et t'as pas un sprint, bah t'arrives à Toulouse. Dimanche 19 novembre à 18h au Palais des Congrès de Tours. Et bien sûr, gagnez vos places en écoutant France Bleu Touraine. Dimanche 22 octobre, c'est la fête des fleurs d'automne au château du Rivaux. Venez flâner dans les jardins et admirez les magnifiques floraisons de l'arrière-saison et les fabuleuses collections de citrouilles. Participez en famille aux ateliers créatifs et rencontrez de nombreux exposants. Dimanche 22 octobre, au château du Rivaux entre Chinon et Richelieu. Info sur châteaudurivaux.com. Je serais pas étonné qu'on ferme jusqu'à 19h sur France Bleu Touraine. Avec mes camarades pour animer cette émission, Hélène Rimbaud, Philippe Chaput, Christian Gabriel et Freddy autour de la table. Et puis, je le disais il y a quelques minutes, juste avant Renaud, dans cette émission, ce qu'on aime faire, c'est donner la parole à ceux à qui on donne rarement la parole. On va parler de sport et d'athlétisme, plus particulièrement aujourd'hui, avec vous, Philippe Chaput, et votre invité. Merci Alain, mon invité, Philippe Lénier, qui est bien connu en Touraine et qui est directeur technique national adjoint de la Fédération française d'athlétisme. Philippe, bon, moi je te connais bien, donc ça va être un peu compliqué de te poser des questions. Quand on arrive au sommet, quasiment, de la Fédération, tu es l'un des intervenants reconnus, incontournables sur beaucoup de décisions qui sont prises à la Fédé. On débute comme athlète, puis entraîneur, c'est ça le parcours? Oui, effectivement, un parcours finalement assez classique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent comme ça. Je pense pas qu'on a envie de travailler pour une fédération sans avoir pratiqué ce sport, bien que notre DTN et d'autres avant n'étaient pas des spécialistes d'athlétisme. La DTN, qu'est-ce que c'est? La direction technique nationale, c'est... D'accord. Bah alors, Alain. Bah oui, bah alors, bah oui. C'est de l'interne, c'est de l'interne. Oui, ça, c'est de l'interne, c'est pour mais ça comme que Philippe l'avait dit avant, j'ai pas précisé, mais c'est vrai. Oui. En plus, des acronymes, on est spécialiste, mais... Oui, donc, moi, j'ai commencé à Avoine, donc, en Indre-et-Loire. Donc, c'est pour ça, effectivement, en Touraine, j'ai fait l'ensemble de ma vie. Donc oui, j'ai commencé comme jeune athlète à Avoine, puis, derrière, bah, j'ai fait comme d'autres, j'ai passé des diplômes d'entraîneur pour entraîner. Et en fait, bon, il y a des anecdotes dans la vie, mais à la fois, moi, je voulais être prof EPS, ce que j'ai été. J'en ai vu une en face de vous, justement. Très, très, très, très, très, très, très, très longtemps. Voilà. Et puis, chemin faisant, il y a des opportunités qui s'ouvrent. En 88, il y a eu les championnats de France à Tours, du centenaire des championnats de France d'athlétisme. Je reviens sur la prof de PS, c'est un boulot tranquille, ça, quand même, un petit peu. Comme le vôtre, Alain. Voilà. De 16h à 19h, tous les soirs seulement. Bah, dans tous les métiers, il y a des gens qui trouvent des moyens de travailler tranquillement, mais moi, j'avais pas eu le temps de travailler tranquillement. Mais bon, j'y suis pas resté bien longtemps, puisque justement, on m'a proposé de travailler pour la Fédération française d'athlétisme. Dès 1988, donc depuis ce temps-là, j'ai fait quelques apartés, mais j'ai travaillé en fait que pour l'athlétisme. L'athlétisme, c'est une multitude d'activités, vous les avez toutes essayées, toutes testées, toutes pratiquées. Alors bon, j'étais plutôt spécialiste de haies, mais comme je rendais service à mon club, alors d'abord à Voine, puis après la Trois Tours, où on s'est rencontré avec Philippe, j'ai tout fait. J'ai fait de la marche, j'ai fait de la perche, j'ai fait du décathlon aussi. Donc oui, j'ai touché à l'ensemble des disciplines de l'athlétisme. La seule chose que j'ai pas fait, c'est le marathon ou des choses comme ça. Mon record en footing, c'est une heure, mais parce que je me suis perdu. Hein. En footing sur 3 km, moi je mets 2 jours, hein, rassurez-vous. Hélène. Oui, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour développer l'athlétisme chez les jeunes et faire qu'il y ait un max de licenciés beaucoup plus et que ça se développe parce que c'est juste un sport formidable où effectivement courir, sauter, lancer, c'est la base de tout pour la suite. C'est bien, mais ça c'est un prof de PS qui vient de le dire. Mais la réalité, c'est plus tout à fait ça, parce qu'effectivement, ça a longtemps été le sport de l'école, parce qu'on n'avait pas d'installation, on faisait d'athlétisme. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants ne font pas d'athlétisme parce qu'ils n'ont pas d'installation. Donc, on va retourner un peu le processus. Mais que fait la fédération alors? Non, bah alors la fédération, oui. Alors nous, on était très très en accord avec les profs de PS et eux qui nous fournissaient les athlètes. Aujourd'hui, ça c'est beaucoup moins vrai, et donc on souffre énormément. En plus, il faut savoir que la population des jeunes en France a perdu 25% de qualité physique en 15 ans. Oui. Donc nous, on a beaucoup des profs qui sont saturés en qualité physique. Si vous courez pas vite au début, vous pourrez jamais faire de la vitesse. Il y a des disciplines où on s'en sort mieux que les autres, c'est justement les disciplines techniques, parce qu'on peut compenser le manque de qualité physique. Mais aujourd'hui, on souffre de ce manque d'activité athlétique de base dans les établissements. Pourtant, nous, aujourd'hui, on a des programmes, y compris pour aider les enseignants, dans les écoles primaires, à base de beaucoup de motricité, puisque c'est la base. Puis derrière, tout ce qui touche la condition physique. Longtemps, l'athlétisme et les entraîneurs d'athlétisme ont même servi les autres sports en tant que préparateurs physiques, même si aujourd'hui, il y a des vrais corps de préparateurs physiques plus spécialisés, mais très très longtemps, et les plus connus étaient issus de l'athlétisme. Donc oui, c'est compliqué pour nous, alors que on a tout pour bien faire. La seule chose qui nous manque, c'est un peu d'envie en dehors du monde de l'athlétisme, et c'est peut-être pour ça qu'on souffre. Voilà, on est 300 000 licenciés, mais aujourd'hui on a beaucoup aussi de gens marche nordique, les tout jeunes, du baby athlé, on fait aussi. Enfin, on propose nous de l'athlétisme de 4 ans à beaucoup 90 plus. Ans et plus. Enfin, après c'est lié plutôt au pouvoir faire qu'autre chose, mais on est capable de proposer pour tous les publics. Je suis dans les cordes, tout va bien. Pour Freddy, c'est possible également de trouver quelque chose. Bien sûr, oui. Et pour les Jeux Olympiques, je pense que vous avez repéré déjà des jeunes espoirs là, qui vont peut-être nous ramener des médailles. Alors le problème, c'est que c'est pas les jeunes espoirs qui font des médailles aux Jeux Olympiques. Oui, ils les feront un peu plus tard. Oui, un peu là, plus aujourd'hui, tard. Vous les formez. Voilà. Vous qui les formez. Oui. Et vous avez repéré déjà, vous avez déjà des noms ou d'être dans des... Ah bah des noms, oui. Il y en a plein là qui ont fait des médailles dans des championnats d'Europe, des championnats du monde junior. C'est plutôt eux, pour demain, qui sont susceptibles de faire des médailles. Mais par contre, ils sont pas prêts, ceux-là, pour les Jeux Olympiques de Paris, à 300 jours des Jeux. Surtout qu'en plus, les modalités de sélection, aujourd'hui, elles sont plus compliquées. Il suffit pas de faire des minima. Il faut faire aussi un certain nombre de compétitions, sur des compétitions qui sont des meetings internationaux auxquels ils peuvent pas accéder. Donc, ce sera difficile pour cela. En tout cas, pratiquez de l'athlétisme et faites-vous plaisir, d'ailleurs, en pratiquant tous les sports et pourquoi pas de l'athlétisme aussi. Merci d'être passé par chez nous, Philippe Lémy. Merci, Philippe. Merci, Philippe. Un petit point sur vos conditions de circulation avec le bazar dans le centre-ville de Tours, au niveau de l'avenue de Gramont. Ah oui. Et voilà. On a un petit quart d'heure de ralentissement au niveau du Cher. C'est compliqué dans ce secteur. On a 5 minutes au niveau de l'avenue Jacques Duclos, hauteur de Saint-Pierre-des-Corps, en direction de la Ville-aux-Dames aussi. La circulation est compliquée avec 5 petites minutes de ralentissement de Montlouis-sur-Loire à Véretz, sur la D85. C'est assez inhabituel. Nous avons là aussi 5 minutes de ralentissement. Et puis pour l'infotrafic, on vous fait confiance chaque jour au 02 47 38 10 20. Assis devant le mur, regardant les vagues et réfléchir à cette colère, ramassant des algues. Je me pose un instant tout en hésitant. Pourquoi tant de haine, tant d'éloignement? Son visage. pour moi un étranger. J'aurais aimé être ton repère. J'en garde encore un doigt mère.